belle. Tiens. C'est pas celle à la maison avec toi, c'est moi. Allô, je te parle. Hey, je te parle quoi? Tous les jours, je suis à la maison. Le week-end, faut que je m'arrête. Sérieux, là? Je peux manger les pâtes tout le temps. Faut que je vienne de temps, je mange des concombres. Ça te saoule? Je te dis, va là-bas. Tu me saoules. Oh, ça se là. Pas ma pousse, ça va ou quoi? Ouais. On met des pâtes ce soir ou quoi? Let's go, je viens de faire. Zongo, la Gola c'est peut-être une fille bien, mais on préfère les tchouan, tchouan, tchouan. La Gola c'est peut-être une fille bien, mais on préfère les tchouan, tchouan, tchouan. Elle veut le boutin, d'un tchouan. Elle veut mon boussin, ça, tchouan. Vrai ou faux, ça, tchouan. Tchouan, tchouan, tchouan. Je rentre avec DJ Maxa et Lottie. Tu t'assois sur mes cuisses, t'es sur pilotis. Balle dans le chargeur, elle vient Lottie. Faut que je fasse rentrer des gros Loki. Une bouteille, le bouchon de liégeote. Elle se retrouve dans l'œil du viseur. Il se demande si je prépare une sauce. T'emmène dans le futur comme dans les visiteurs. Je traîne à côté de ton terche. Je sais que t'es pas ma go, go, go. Me demande pas ce que je cherche. Y'a un Pokémon go, go, go. J'ouvre l'aileron du Panamera. J't'éblouis comme un Kamehameha. Elle me fait un striptease intégral. J'décolle comme ma cape canavérale. J't'aurai même si tu fais plaire. Billets verts en plusieurs exemplaires. Mon succès sera ta chute. Je dis pute. La Gola c'est peut-être une fille bien, mais on préfère les tchouans, tchouans, tchouans. La Gola c'est peut-être une fille bien, mais on préfère les tchouans, tchouans, tchouans. Elle veut le boutin, ta, tchouans. Elle veut mon boussin, ça, tchouans. Vrai ou faux, ça, tchouans. Tchouans, tchouans, tchouans. Elle est venue avec moi, pas avec toi. Tu payes sa conso, elle part avec moi. On est des blindes, et tu débloques. Je te fais la danse du double fuck. Y'a tellement de boules dans le carré VIP. Je regarde plus gros, je suis habitué. J'ai cru que ce serait une grosse équipe, mais c'est une go qui va me tuer. Elle me regarde, je la regarde. Elle sait que j'ai la trique, elle sait que j'ai le fric. J'allume mon joint, je suis fier de moi. Comme si j'allumais la flamme olympique. Mauvais garçon, cherche une pute bien. Les bons garçons trouvent que des tchouans. Ton gars là c'est une grosse victime. Il tiendrait pas une seconde dans le dos. Non, tout est facile, il prend de la créatine. Ouais, il a des putains de boutons dans le dos. Lâche-moi ce charclos, prends un dozo. Tu sais qu'il y a un graille dans mon vaisseau. La Gola c'est peut-être une fille bien, mais on préfère les tchouans.